Vivant dans une famille provinciale qui avait peu de relations, n'allant guère au bal, elle s'était grisée dans la solitude de son manoir à ralentir, à précipiter la danse de tous ses couples imaginaires, à les égrener comme des fleurs, à quitter un moment le bal pour entendre le vent souffler dans les sapins au bord du lac, et à y voir tout d'un coup s'avancer, plus différent de tout ce qu'on n'a jamais rêvé que ne sont les amants de la terre, un mince jeune homme à la voix un peu chantante, étrangère et fausse, en gants blancs. Mais aujourd'hui, la beauté démodée de cette musique semblait défraîchie. Privée depuis quelques années de l'estime des connaisseurs, elle avait perdu son honneur et son charme. Et ceux même dont le goût est mauvais n'y trouvaient plus qu'un plaisir inavoué et médiocre. Madame de Cambremer jeta un regard furtif derrière elle. Elle savait que sa jeune bru, pleine de respect pour sa nouvelle famille, sauf en ce qui touchait les choses de l'esprit et sur lesquelles, sachant jusqu'à l'harmonie et jusqu'au grec, elle avait des lumières spéciales, méprisait Chopin et souffrait quand elle en entendait jouer. Mais loin de la surveillance de cette wagnérienne qui était plus loin avec un groupe de personnes de son âge, Madame de Cambremer se laissait aller à des impressions délicieuses. La princesse des Laumes les éprouvait aussi. Sans être par nature douée pour la musique, elle avait reçu il y a 15 ans les leçons qu'un professeur de piano du faubourg Saint-Germain, femme de génie qui avait été à la fin de sa vie réduite à la misère, avait recommencé à l'âge de 70 ans à donner aux filles et aux petites filles de ses anciennes élèves. Elle était morte aujourd'hui, mais sa méthode, son beau son, renaissait parfois sous les doigts de ses élèves, même de celles qui étaient devenues pour le reste des personnes médiocres, avait abandonné la musique et n'ouvrait presque plus jamais un piano. Aussi Madame des Laumes put-elle secouer la tête en pleine connaissance de cause, avec une appréciation juste de la façon dont le pianiste jouait ce prélude qu'elle savait par cœur. La fin de la phrase commencée chanta d'elle-même sur ses lèvres, et elle murmura « C'est toujours charmant », avec un double che au commencement du mot qui était une marque de délicatesse, et dont elle sentait ses lèvres si romanesquement froissées comme une belle fleur, qu'elle harmonisa instinctivement son regard avec elle, en lui donnant à ce moment-là une sorte de sentimentalité et de vague. Cependant, Madame de Galardon était en train de se dire qu'il était fâcheux qu'elle n'eût que bien rarement l'occasion de rencontrer la princesse des Laumes, car elle souhaitait lui donner une leçon en ne répondant pas à son salut. Elle ne savait pas que sa cousine fût là. Un mouvement de tête de Madame de Franquetot la lui découvrit. Aussitôt, elle se précipita vers elle en dérangeant tout le monde. Mais, désireuse de garder un air hautain et glacial, qui rappela à tous qu'elle ne désirait pas avoir de relation avec une personne chez qui on pouvait se trouver nez à nez avec la princesse Mathilde, et au-devant de qui elle n'avait pas à aller, car elle n'était pas sa contemporaine, elle voulut pourtant compenser cet air de hauteur et de réserve par quelques propos qui justifia sa démarche et força la princesse à engager la conversation. Aussi, une fois arrivée près de sa cousine, Madame de Galardon, avec un visage dur, une main tendue comme une carte forcée, lui dit « Comment va ton mari ?» de la même voix soucieuse que si le prince avait été gravement malade. La princesse, éclatant d'un rire qui lui était particulier et qui était destiné à la fois à montrer aux autres qu'elle se moquait de quelqu'un et aussi à se faire paraître plus jolie en concentrant les traits de son visage autour de sa bouche animée et de son regard brillant, lui répondit « Mais le mieux du monde !» et elle rit encore. Cependant, tout en redressant sa taille et refroidissant sa mine, inquiète encore pourtant de l'état du prince, Madame de Galardon dit à sa cousine « Oriane, Ici, Madame Delhomme regarda d'un air étonné rieur un tiers invisible, vis-à-vis duquel elle semblait tenir à attester qu'elle n'avait jamais autorisé Madame de Galardon à l'appeler par son prénom. « Je tiendrai beaucoup à ce que tu viennes un moment demain soir chez moi entendre un quintet avec clarinette de Mozart. Je voudrais avoir ton appréciation. » Elle semblait non pas adresser une invitation, mais demander un service et avoir besoin de l'avis de la princesse sur le quintet de Mozart, comme si ça avait été un plat de la composition d'une nouvelle cuisinière, sur les talents de laquelle il lui eût été très précieux de recueillir l'opinion d'un gourmet. « Mais je connais ce quintet, je peux te dire tout de suite que je l'aime. »« Tu sais, mon mari n'est pas bien, son foie. » Cela lui ferait grand plaisir de te voir, reprit Madame de Galardon, faisant maintenant à la princesse une obligation de charité de paraître à sa soirée. La princesse n'aimait pas à dire aux gens qu'elle ne voulait pas aller chez eux. Tous les jours, elle écrivait son regret d'avoir été privée, par une visite inopinée de sa belle-mère, par une invitation de son beau-frère, par l'opéra, par une partie de campagne, d'une soirée à laquelle elle n'aurait jamais songé à se rendre. Elle donnait ainsi à beaucoup de gens la joie de croire qu'elle était de leur relation, qu'elle eût été volontiers chez eux, qu'elle n'avait été empêchée de le faire que par les contretemps princiers qu'ils étaient flattés de voir entrer en concurrence avec leur soirée. Puis, faisant partie de cette spirituelle coterie des Guermantes, où survivait quelque chose de l'esprit alerte, dépouillé de lieux communs et de sentiments convenus, qui descend de Mérimée et a trouvé sa dernière expression dans le théâtre de Meillac et à Lévis, elle l'adaptait même aux rapports sociaux, le transposait jusque dans sa politesse qui s'efforçait d'être positive, précise, de se rapprocher de l'humble vérité. Elle ne développait pas longuement à une maîtresse de maison l'expression du désir qu'elle avait d'aller à sa soirée. Elle trouvait plus aimable de lui exposer quelques petits faits d'où dépendrait qu'il lui fût ou non possible de s'y rendre. « Écoute, je vais te dire, » dit-elle à Madame de Galardon, « il faut demain soir que j'aille chez une amie qui m'a demandé mon jour depuis longtemps. Si elle nous emmène au théâtre, il n'y aura pas, avec la meilleure volonté, possibilité que j'aille chez toi. Mais si nous restons chez elle, comme je sais que nous serons seuls, je pourrai la quitter. Tiens, tu as vu ton ami, Monsieur Swann ? Mais non, cet amour de Charles, je ne savais pas qu'il fût là. Je vais tâcher qu'il me voie. C'est drôle qu'il aille même chez la mère Sainte-Verte, dit Madame de Galardon. « Oh, je sais qu'il est intelligent, » ajouta-t-elle en voulant dire par là intriguant. « Mais cela ne fait rien. Un juif chez la sœur et la belle-sœur de deux archevêques. » « J'avoue à ma honte que je n'en suis pas choquée, » dit la princesse Delhomme. « Je sais qu'il est converti, et même déjà à ses parents et ses grands-parents. Mais on dit que les convertis restent plus attachés à leur religion que les autres, que c'est une frime. Est-ce vrai ?» Je suis sans lumière à ce sujet. Le pianiste, qui avait à jouer deux morceaux de Chopin, après avoir terminé le prélude, avait attaqué aussitôt une polonaise. Mais depuis que Madame de Galardon avait signalé à sa cousine la présence de Swann, Chopin ressuscité aurait pu venir jouer lui-même toutes ses œuvres sans que Madame Delhomme pût y faire attention. Elle faisait partie d'une de ces deux moitiés de l'humanité chez qui la curiosité qu'a l'autre moitié pour les êtres qu'elle ne connaît pas est remplacée par l'intérêt pour les êtres qu'elle connaît. Comme beaucoup de femmes du faubourg Saint-Germain, la présence dans un endroit où elle se trouvait de quelqu'un de sa coterie, et auquel d'ailleurs elle n'avait rien de particulier à dire, accaparait exclusivement son attention aux dépens de tout le reste. À partir de ce moment, dans l'espoir que Swann la remarquerait, la princesse ne fit plus comme une souris blanche apprivoisée à qui on tend puis on retire un morceau de sucre, que tourner sa figure, remplie de mille signes de connivence dénués de rapport avec le sentiment de la polonaise de Chopin, dans la direction où était Swann, et si celui-ci changeait de place, elle déplaçait parallèlement son sourire aimanté. Oriane, ne te fâche pas, reprit madame de Galardon, qui ne pouvait jamais s'empêcher de sacrifier ses plus grandes espérances sociales et d'éblouir un jour le monde au plaisir obscur, immédiat et privé, de dire quelque chose de désagréable. Il y a des gens qui prétendent que ce monsieur Swann, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas recevoir chez soi. Est-ce vrai? Mais tu dois bien savoir que c'est vrai, répondit la princesse des Laumes, puisque tu l'as invité 50 fois et qu'il n'est jamais venu. En quittant sa cousine mortifiée, elle éclata de nouveau d'un rire qui scandalisa les personnes qui écoutaient la musique, mais attira l'attention de madame de Sainte-Verte, restée par politesse près du piano, et qui aperçut seulement alors la princesse. Madame de Sainte-Verte était d'autant plus ravie de voir madame des Laumes qu'elle la croyait encore à Guermantes en train de soigner son beau-père malade. « Mais comment, princesse, vous étiez là ?»« Oui, je m'étais mise dans un petit coin. J'ai entendu de belles choses. »« Comment ? Vous êtes là depuis déjà un long moment ?»« Mais oui, un très long moment qui m'a semblé très court, long seulement parce que je ne vous voyais pas. » Madame de Sainte-Verte voulut donner son fauteuil à la princesse qui répondit « Mais pas du tout. Pourquoi ? Je suis bien n'importe où. » Et, avisant avec intention, pour mieux manifester sa simplicité de grande dame, un petit siège sans dossier, « Tenez, ce pouf, c'est tout ce qu'il me faut. Cela me fera tenir droite. Oh mon Dieu, je fais encore du bruit, je vais me faire conspuer. » Cependant, le pianiste redoublant de vitesse, l'émotion musicale était à son comble. Un domestique passait des rafraîchissements sur un plateau et faisait tinter des cuillers. Et, comme chaque semaine, madame de Sainte-Verte lui faisait, sans qu'il la vît, des signes de s'en aller. Une nouvelle mariée, à qui on avait appris qu'une jeune femme ne doit pas avoir l'air blasée, souriait de plaisir et cherchait des yeux la maîtresse de maison pour lui témoigner par son regard sa reconnaissance d'avoir pensé à elle pour un pareil régal. Pourtant, quoiqu'avec plus de calme que madame de Franquetot, ce n'est pas sans inquiétude qu'elle suivait le morceau. Mais la sienne avait pour objet, au lieu du pianiste, le piano sur lequel une bougie tressautant à chaque fortissimo risquait, sinon de mettre le feu à l'abat-jour, du moins de faire des taches sur le palissandre. À la fin, elle n'y tint plus et, escaladant les deux marches de l'estrade sur laquelle était placé le piano, se précipita pour enlever la bobèche. Mais à peine ses mains allaient-elles la toucher que, sur un dernier accord, le morceau finit et le pianiste se leva. Néanmoins, l'initiative hardie de cette jeune femme, la courte promiscuité qui en résulta entre elle et l'instrumentiste, produisirent une impression généralement favorable. Vous avez remarqué ce qu'a fait cette personne, princesse ? Dit le général de Frobertville à la princesse des Laumes qu'il était venu saluer et que madame de Sainte-Verte quitta un instant. C'est curieux. Est-ce donc une artiste ? « Non, c'est une petite madame de Cambremer, » répondit étourdiment la princesse. Et elle ajouta vivement, « Je vous répète ce que j'ai entendu dire. Je n'ai aucune espèce de notion de qui c'est. On a dit derrière moi que c'était des voisins de campagne de madame de Sainte-Verte, mais je ne crois pas que personne les connaisse. Ça doit être des gens de la campagne. Du reste, je ne sais pas si vous êtes très répandus dans la brillante société qui se trouve ici, » mais je n'ai pas idée du nom de toutes ces étonnantes personnes. À quoi pensez-vous qu'ils passent leur vie en dehors des soirées de madame de Sainte-Verte ? Elle a dû les faire venir avec les musiciens, les chaises et les rafraîchissements. Avouez que ces invités de chez Belloire sont magnifiques. Est-ce que vraiment elle a le courage de louer ses figurants toutes les semaines ? Ce n'est pas possible. Ah, mais Cambremer, c'est un nom authentique et ancien, dit le général. « Je ne vois aucun mal à ce que ce soit ancien, » répondit sèchement la princesse. « Mais en tout cas, ce n'est pas euphonique, » ajouta-t-elle en détachant le mot euphonique comme s'il était entre guillemets, petite affectation de débit qui était particulière à la coterie guermante. « Vous trouvez ? Elle est jolie à croquer !» dit le général qui ne perdait pas Madame de Cambormère de vue. « Ce n'est pas votre avis, princesse ?»« Elle se met trop en avant. Je trouve que chez une si jeune femme, ce n'est pas agréable, car je ne crois pas qu'elle soit ma contemporaine. » répondit Madame Delhomme, cette expression étant commune aux galardons et aux guermantes. Mais la princesse, voyant que Monsieur de Frauberville continuait à regarder Madame de Cambremer, ajouta, moitié par méchanceté pour celle-ci, moitié par amabilité pour le général, « Pas agréable pour son mari. Je regrette de ne pas la connaître puisqu'elle vous tient à cœur. Je vous aurais présenté, » dit la princesse qui probablement n'en aurait rien fait si elle avait connu la jeune femme. « Je vais être obligée de vous dire bonsoir parce que c'est la fête d'une amie à qui je dois aller la souhaiter, » dit-elle d'un ton modeste et vrai, réduisant la réunion mondaine à laquelle elle se rendait, à la simplicité d'une cérémonie ennuyeuse, mais où il était obligatoire et touchant d'aller. D'ailleurs, je dois y retrouver Bazin qui, pendant que j'étais ici, est allé voir ses amis que vous connaissez, je crois, qui ont un nom de pont, les Yénas. Ça a été d'abord un nom de victoire, princesse, dit le général. Qu'est-ce que vous voulez ? Pour un vieux briscard comme moi, ajouta-t-il en ôtant son monocle pour l'essuyer, comme il aurait changé un pansement, tandis que la princesse détournait instinctivement les yeux. « Cette noblesse d'empire, c'est autre chose, bien entendu, mais enfin, pour ce que c'est très beau dans son genre. Ce sont des gens qui, en somme, se sont battus en héros. » « Mais je suis pleine de respect pour les héros, » dit la princesse sur un ton légèrement ironique. Si je ne vais pas avec Bazin chez cette princesse Diéna, ce n'est pas du tout pour ça, c'est tout simplement parce que je ne les connais pas. Bazin les connaît, les chérit. Oh non, ce n'est pas ce que vous pouvez penser, ce n'est pas un flirt, je n'ai pas à m'y opposer. Du reste, pour ce que cela sert quand je veux m'y opposer, ajouta-t-elle d'une voix mélancolique, car tout le monde savait que dès le lendemain du jour où le princesse Delhomme avait épousé sa ravissante cousine, il n'avait pas cessé de la tromper. Mais enfin, ce n'est pas le cas. Ce sont des gens qu'il a connus autrefois. Il en fait ses choux gras. Je trouve cela très bien. D'abord, je vous dirais que rien que ce qu'il m'a dit de leur maison, pensez que tous leurs meubles sont en pire. Mes princesses, naturellement, c'est parce que c'est le mobilier de leurs grands-parents. Mais je ne vous dis pas, mais ça n'est pas moins laid pour ça. Je comprends très bien qu'on ne puisse pas avoir de jolies choses, mais au moins qu'on n'ait pas de choses ridicules. Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne connais rien de plus pompier, de plus bourgeois que cet horrible style, avec ces commodes qui ont des têtes de cygnes comme des baignoires. Mais je crois même qu'ils ont de belles choses. Ils doivent avoir la fameuse table de mosaïque sur laquelle a été signé le traité de... Ah, mais qu'ils aient des choses intéressantes au point de vue de l'histoire, je ne vous dis pas. Mais ça ne peut pas être beau, puisque c'est horrible. Moi, j'ai aussi des choses comme ça que Bazin a héritées des Montesquieu. Seulement, elles sont dans les greniers de Guermantes où personne ne les voit. Enfin, du reste, ce n'est pas la question. Je me précipiterai chez eux avec Bazin, et j'irai les voir même au milieu de leurs sphinx et de leurs cuivres si je les connaissais. Mais je ne les connais pas. Moi, on m'a toujours dit quand j'étais petite que ce n'était pas poli d'aller chez les gens qu'on ne connaissait pas, dit-elle en prenant un ton puéril. Alors je fais ce qu'on m'a appris. Voyez-vous ces braves gens s'ils voyaient entrer une personne qu'ils ne connaissaient pas? Ils me recevraient peut-être très mal, dit la princesse. Et par coquetterie, elle embellit le sourire que cette supposition lui arrachait en donnant à son regard bleu fixé sur le général une expression rêveuse et douce. « Ah, princesse, vous savez bien qu'il ne se tiendrait pas de joie. »« Mais non, pourquoi ? » lui demanda-t-elle avec une extrême vivacité, soit pour ne pas avoir l'air de savoir que c'est parce qu'elle était une des plus grandes dames de France, soit pour avoir le plaisir de l'entendre dire au général. « Pourquoi ? Qu'en savez-vous ? Cela leur serait peut-être tout ce qu'il y a de plus désagréable. Moi, je ne sais pas, mais si j'en juge par moi, Cela m'ennuie déjà tant de voir les personnes que je connais. Je crois que s'il fallait voir des gens que je ne connais pas, même héroïques, je deviendrais folle. D'ailleurs, voyons, sauf lorsqu'il s'agit de vieux amis comme vous qu'on connaît sans cela, je ne sais pas si l'héroïsme serait d'un format très portatif dans le monde. Cela m'ennuie déjà souvent de donner des dîners, mais s'il fallait offrir le bras à Spartacus pour aller à table... Non, vraiment, ce ne serait jamais affaire Saint-Gétorix que je ferais signe comme 14e. Je sens que je le réserverai pour les grandes soirées, et comme je n'en donne pas... Oh, princesse, vous n'êtes pas guermante pour des prunes. Le possédez-vous assez, l'esprit des guermantes? Mais on dit toujours l'esprit des guermantes. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi. Vous en connaissez donc d'autres qui en aient? Ajouta-t-elle dans un éclat de rire écumant et joyeux, les traits de son visage concentrés, accouplés dans le réseau de son animation, les yeux étincelants, enflammés d'un ensoleillement radieux de gaieté que seul avait le pouvoir de faire rayonner ainsi les propos, fussent-ils tenus par la princesse elle-même, qui étaient une louange de son esprit ou de sa beauté. « Tenez, voilà Swann qui a l'air de saluer votre cambre-mère. » « Là, il est à côté de la mère Sainte-Verte. Vous ne voyez pas? Demandez-lui de vous présenter. Mais dépêchez-vous, il cherche à s'en aller. » « Avez-vous remarqué quelle affreuse mine il a ? » dit le général. « Mon petit Charles, ah, enfin il vient. Je commençais à supposer qu'il ne voulait pas me voir. » Swann aimait beaucoup la princesse des Laumes, puis sa vue lui rappelait Guermantes, terre voisine de Combray. Tout ce pays qu'il aimait tant et où il ne retournait plus pour ne pas s'éloigner d'Odette. Usant des formes mi-artistes, mi-galantes, par lesquelles il savait plaire à la princesse, et qu'il retrouvait tout naturellement quand il se retrempait un instant dans son ancien milieu, et voulant d'autre part pour lui-même exprimer la nostalgie qu'il avait de la campagne, « Ah ! » dit-il à la cantonade, pour être entendu à la fois de Madame de Sainte-Verte à qui il parlait et de Madame des Laumes pour qui il parlait. « Voici la charmante princesse. Voyez, elle est venue tout exprès de Guermantes pour entendre le Saint-François d'Assise de Liszt, et elle n'a pas eu le temps, comme une jolie mésange, que d'aller piquer pour les mettre sur sa tête quelques petits fruits de prunier des oiseaux et d'aubépine. Il y a même encore de petites gouttes de rosée. Un peu de la gelée blanche qui doit faire gémir la duchesse. C'est très joli, ma chère princesse. Comment ? La princesse est venue exprès de Guermantes ? Mais c'est trop ! Je ne savais pas, je suis confuse ! S'écria naïvement Madame de Sainte-Verte, qui était peu habituée au tour d'esprit de Swann. Et examinant la coiffure de la princesse, « Mais c'est vrai ! Cela imite... Comment dirais-je ? Pas les châtaignes, non. Oh, c'est une idée ravissante. Mais comment la princesse pouvait-elle connaître mon programme? Les musiciens ne me l'ont même pas communiqué à moi. » Swann, habitué, quand il était auprès d'une femme avec qui il avait gardé des habitudes galantes de langage, de dire des choses délicates que beaucoup de gens du monde ne comprenaient pas, ne daigna pas expliquer à Madame de Sainte-Verte qu'il n'avait parlé que par métaphore. Quant à la princesse, elle se mit à rire aux éclats parce que l'esprit de Swann était extrêmement apprécié dans sa coterie et aussi parce qu'elle ne pouvait entendre un compliment s'adressant à elle sans lui trouver les grâces les plus fines et une irrésistible drôlerie. « Eh bien, je suis ravie, Charles, si mes petits fruits d'aubépine vous plaisent. Pourquoi est-ce que vous saluez cette cambre-mère ? Est-ce que vous êtes aussi son voisin de campagne ?» Madame de Sainte-Verte, voyant que la princesse avait l'air contente de causer avec Swann, s'était éloignée. « Mais vous l'êtes vous-même, princesse ?»« Moi ? Mais ils ont donc des campagnes partout, ces gens ! Mais comme j'aimerais être à leur place !»« Ce ne sont pas les cambre-mères, c'était ses parents à elle. Elle est une demoiselle Legrandin qui venait à Combray. Je ne sais pas si vous savez que vous êtes comtesse de Combray, que le chapitre vous doit une redevance. » Je ne sais pas ce que me doit le chapitre, mais je sais que je suis tapée de 100 francs tous les ans par le curé, ce dont je me passerai. Enfin, ces cambre-mères ont un nom bien étonnant. Il finit juste à temps, mais il finit mal, dit-elle en riant. « Il ne commence pas mieux, » répondit Swann. « En effet, cette double abréviation, c'est quelqu'un de très en colère et de très convenable qui n'a pas osé aller jusqu'au bout du premier mot. Mais puisqu'il ne devait pas pouvoir s'empêcher de commencer le second, il aurait mieux fait d'achever le premier pour en finir une bonne fois. Nous sommes en train de faire des plaisanteries d'un goût charmant, mon petit Charles. Mais comme c'est ennuyeux de ne plus vous voir, » ajouta-t-elle d'un ton câlin. « J'aime tant causer avec vous. Pensez que je n'aurais même pas pu faire comprendre à cet idiot de Frobertville que le nom de Cambremer était étonnant. Avouez que la vie est une chose affreuse. Il n'y a que quand je vous vois que je cesse de m'ennuyer. » Et sans doute cela n'était pas vrai, mais Swann et la princesse avaient une même manière de juger les petites choses qui avaient pour effet, à moins que ce ne fût pour cause, une grande analogie dans la façon de s'exprimer et jusque dans la prononciation. Cette ressemblance ne frappait pas parce que rien n'était plus différent que leurs deux voix, mais si on parvenait par la pensée à ôter aux propos de Swann la sonorité qui les enveloppait, les moustaches d'entre lesquelles ils sortaient, on se rendait compte que c'étaient les mêmes phrases, les mêmes inflexions, le tour de la coterie guermante. Pour les choses importantes, Swann et la princesse n'avaient les mêmes idées sur rien. Mais depuis que Swann était si triste, ressentant toujours cette espèce de frisson qui précède le moment où l'on va pleurer, il avait le même besoin de parler du chagrin qu'un assassin a de parler de son crime. En entendant la princesse lui dire que la vie était une chose affreuse, il éprouva la même douceur que si elle lui avait parlé d'Odette. « Oh oui, la vie est une chose affreuse. » « Il faut que nous nous voyons, ma chère amie. Ce qu'il y a de gentil avec vous, c'est que vous n'êtes pas gaie. On pourrait passer une soirée ensemble. »« Mais je crois bien, pourquoi ne viendriez-vous pas à Guermantes? Ma belle-mère serait folle de joie. Cela passe pour très laid, mais je vous dirai que ce pays ne me déplaît pas. J'ai horreur des pays pittoresques. » »« Je crois bien, c'est admirable, » répondit Swann. « C'est presque trop beau. Trop vivant pour moi en ce moment. C'est un pays pour être heureux. C'est peut-être parce que j'y ai vécu, mais les choses m'y parlent tellement. Dès qu'il se lève un souffle d'air, que les blés commencent à remuer, il me semble qu'il y a quelqu'un qui va arriver, que je vais recevoir une nouvelle. Et ces petites maisons au bord de l'eau, oh, je serai bien malheureux. Oh, mon petit Charles, prenez garde. « Voilà l'affreuse rampillon qui m'a vue. Cachez-moi, rappelez-moi donc ce qui lui est arrivé. Je confonds, elle a marié sa fille ou son amant, je ne sais plus, peut-être les deux, et ensemble. Oh non, je me rappelle, elle a été répudiée par son prince. Ayez l'air de me parler pour que cette Bérénice ne vienne pas m'inviter à dîner. Du reste, je me sauve. Écoutez, mon petit Charles, pour une fois que je vous vois... Vous ne voulez pas vous laisser enlever et que je vous emmène chez la princesse de Parme qui serait tellement contente. Et Bazin aussi qui doit m'y rejoindre. Si on n'avait pas de vos nouvelles par Mémé, pensez que je ne vous vois plus jamais. » Swann refusa. Ayant prévenu Monsieur de Charlus qu'en quittant de chez Madame de Sainte-Verte, il rentrerait directement chez lui, il ne se souciait pas, en allant chez la princesse de Parme, de risquer de manquer un mot qu'il avait tout le temps espéré se voir remettre par un domestique pendant la soirée, et que peut-être il allait trouver chez son concierge. « Ce pauvre Swann, » dit ce soir-là Madame Delhomme à son mari, « il est toujours gentil, mais il a l'air bien malheureux. Vous le verrez, car il a promis de venir dîner un de ces jours. » Je trouve ridicule, au fond, qu'un homme de son intelligence souffre pour une personne de ce genre et qui n'est même pas intéressante, car on l'a dit idiote, ajouta-t-elle avec la sagesse des gens non amoureux qui trouvent qu'un homme d'esprit ne devrait être malheureux que pour une personne qui en valut la peine. C'est à peu près comme s'étonner qu'on daigne souffrir du choléra par le fait d'un être aussi petit que le bacille virgule.